Écoutez, frère Branham dire ici. Donc, Dieu dévoilé. La prédication, Dieu dévoilé. Du 14 juin 1960. Il dit ceci. Là d'abord nous allons ensemble avec la version ici de Shekinah. Oui, je vous montrerai comment cela est traduit dans la version de mon frère Alexis Barlier. Son frère de fils. Et maintenant, mon sujet ce matin. Je mets ma confiance en Dieu. Il révélera ce qu'il en est. Dieu dévoilé. Mon sujet, je mets confiance en Dieu. Que lui-même Dieu révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère, et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. De manière à amener certains à s'en aller. Et certains à partir. Et certains autres à réfléchir. Et c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Qui aime la manière de Dieu comme ça? Mais nous devons éprouver les esprits. Vous allez nous éprouver et nous ne vous éprouvons pas. Alléluia, amen. C'est quoi ça? Vous devez être éprouvé. On dit les choses le macambo, de manière à disperser, à amener certains à nous quitter, et d'autres à devenir pensifs. À comment il y a un canisse à canisse, à comment il y a une église, depuis qu'il y a un macambo. Oui, tu passes par les frères. Nous devons tester ton esprit si les gens. Oui, nous prédicateurs devons le faire pour l'assemblée. Dites amen. Ne me regardez pas comme si je suis là. Nous devons vous éprouver vos esprits aussi. Nous voyons que les gens sont ensemble. Qui a dit ça? On veut dire que vous allez être diable. C'est vrai? Et que tu es infiltré parmi nous. On doit éprouver. Analyser le groupe. Voir les réactions. Voir les commentaires. Voir les prises de position. Et certains sont poussés à quitter. C'est la sélection. Sélection. De fois on agite un épouvantail. Comme la manière de pratiquer la pêche. J'ai été un pêcheur à la pêche. Parce que dans l'adolescence, le Prophète a dit que si un garçon qui pratique la pêche, il sera un bon garçon. Je crois par là que je suis un bon garçon. D'après le message, je suis un bon garçon. N'est-ce pas? J'ai pratiqué la pêche. Frère Branham dit qu'un garçon, quand il pratique la pêche, il sera un bon garçon. Ah, mes garçons, moi je ne sais pas, ils n'ont pas pratiqué la pêche. Hein? Alors, n'ayez évité ce que vous avez un bon garçon. Ils n'ont pas pratiqué la pêche. Moi je ne sais pas si c'est un de bon garçon. Un frère dit. Est-ce qu'ils seront vraiment des bons garçons? La pêche nous apprend la patience. Il faut savoir être patient. Quand on dit que c'est un mais quand tu es pressé, dès que ça bouge, Ça va développer son attention. Wana kozala na bokebi, ekokolisa yango penza. Mais moi na yo azaka na problème ya attention. Ozuka ke kra moni na télévision, écran plat, hôtelier na salon, atala ka ba match. C'est pour qu'il devienne meilleur. La vie est foutard des parents. Il n'est pas dit qu'il y a de rappeler un père. Les enfants que Dieu t'a donné, tu es en train de les déformer. Oh, t'as-toi. Apprenons à bien former nos enfants. Quand il est tout le temps distrait, il est en train de la pêche. C'est à la fois un métier, et aussi ça lui apprend la patience. J'allais vous parler des rivières et des étangs autour de Kinshasa. Ah ouais, j'allais pas mal, puis, ah ouais, zinga zinga. Alors, ne chômez pas les week-ends. Amenez votre garçon là-bas. Vous m'avez maman en Okuna. Pour en faire un bon garçon comme frère David. Vous n'avez pas commis ça, il est malam ou le courant de la vie. Pas, je parle la parole. Vous allez commis un bon garçon. Vous parlez malam. Yo, Fanny Kakawa, aux autres caligilés, quand un poste à Moussala dans ma bureau climatisé. Si il s'appelle Moussala, Wapi Misalango, vous allez à l'Ista. Quand on fait le blanc, la blézaille, on vous apprend que l'Ista veut dire quoi. Vous savez la signification normale, c'est Institut supérieur des techniques appliquées. Mais quand on vous blézaille, on vous a écrit là. Au bourreau vous dit, Yebaka wa ezalinde Institut supérieur des troubles accélérés. C'est ainsi que autrefois l'Ista a été toujours chaud pour descendre dans les rues. Loin des accords. C'est ça la formation qu'ils ont reçue. Une telle génération, elle est capable d'inventer quoi? Dites-moi. Ils ont les diplômes d'Ista, oui, mais ils sont capables d'inventer quoi en termes de génie? Tout le temps dans les rues pour les manifestations politiques. Voyez ça? Ils s'opposent à tout, même à l'RDG. Ils s'opposent même à leurs auditoires. Quand ils sortent, ils prennent les pierres, ils visent aussi les vitres des auditoires. Nous avons des étudiants. Alors, une telle génération, elle va inventer quoi, frère? Chaque jour, ils vous prouvent de quoi ils sont capables, mais dans les rues. Une fois qu'il a le papier, un titre de chômage. Maintenant on en produit 1 million chaque année. Qui sont des chômeurs. Je ne parle pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut aller là-bas, il va se distinguer. Il ne sera pas dans les troubles s'accélérer. Mais il sait pourquoi il est allé là-bas. Il peut être sérieux par sa manière. C'est ce que nous souhaitons que vous soyez. C'est bon, garçon. Nous croyons que Dieu soit béni. Alors, des fois, nous disons des choses pour ramener certains à nous quitter. Et c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Des tests doivent venir. On est toujours là. Nous sommes des croyants. Nous sommes les élus. Mais des tests, quand ils disent, alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille? Réponse, certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore aujourd'hui. Le tamisage du groupe. Il faut dire certaines choses. Il a dit un jour, il en avait des millions autour de lui. Et il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils-Homme, ou du Fils-Homme, et si vous ne buvez ce sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Quelle sorte de déclaration? Pensez-vous qu'un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle que penserait-il d'une déclaration pareille? Maintenant d'un homme qui avait un ministère comme le sien. Eh bien, il dirait, mangez la chair. Ah, c'est cannibale. Voir le sang humain. Mais c'est vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Un ami de Dieu ne va pas s'éloigner. Mais il va se rapprocher pour avoir les détails. C'est ça la différence. Mais un vaut rien va dire. Mais l'été en vaut du mercant public, mais un élite, vers le soir, quand la foule est partie, il vient circonscrire ce qui a été dit. Bon. Ah, c'était dans ce sens que c'était. Ah, okay. Il a la Dieu alors. Ils avancent. Mais les autres, il n'y a pas de profondeur là-bas. C'est du vide, du creux. Ton nom vide, faisant du bruit. Il n'y a rien là-bas. C'est ça le problème. Il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui. 70 qui avaient été choisis. Association de prédicateurs. 70. Il s'est tourné vers cela. Et il a dit, que penserez-vous que quand vous verrez le Fils-Homme monter où il était auparavant? Bon. Ça, il n'a pas non plus expliqué. Il n'a jamais expliqué comment. Et c'est Paul qui l'a fait plus tard. Et il a dit, c'est tout. Et alors à ce moment-là, il a dit, que direz-vous à ce prédicateur-là? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Sans doute que ces hommes ont dit, un instant. Là. Oh, nous mangeons avec lui. Nous faisons la pêche avec lui. Nous dormons avec lui. Nous savons où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Et comment cet homme? Mais c'est une forte déclaration. Alors c'est où? Et la Bible dit, il n'allait plus avec lui. Ils l'ont quitté. Une association de 70 prédicateurs. Que lui-même avait choisi, établi là. Pour aller prêcher des adieux. Mais ils l'ont quitté. Et là, lui aussi. Il lui a resté que 12. Et il en avait choisi 12. Et l'un d'eux était un démon. C'est ce qu'il a dit. Alors il s'est tourné vers eux. C'est moi qui vous ai choisi, vous les deux. L'un de vous est un démon. Makamonge s'il était. Tolobaki et s'il est nandé. Le tamisage va continuer. La secousse va. Parfois il faut discipliner sévèrement les chefs de l'église et voir ce que les uns et les autres en disent. Il y en a même qui quittent l'église, qui se refroidissent parce qu'il a livré tel à Satan. C'est le tamisage. Nous testons votre esprit. De quoi vous êtes prêts? C'est beau là. Vous avez pu le là où nous avons pris un ensemble. Au coco sanani. Mon ensemble, vous voyez, la position de la parole. À qui d'autre irions-nous? C'est ça le problème. Oningana ningana, de haut et de bas, qu'on change ma position, ma langage, ce n'est pas digne des élus de Dieu. Soyez constants. Ayez la fermeté de la foi. Ce n'est pas impossible. C'est impossible. Nous avons la vérité. Alors, ici, dans la version de 6, on l'avait traduit en donnant un peu le passage biblique, plus originalement. Dieu dévoilé, c'est la même date, le 14 juin 1954. La page 4. Chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère et je crois que vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église, sans le dire ouvertement. Mais une connaissance spirituelle vous est donnée. Nous avons à présenter les choses de telle manière que le nombre de disciples s'amenuisent. Mais il y a des esprits charnels qui veulent qu'on soit 850 ou je ne sais pas. Jésus-Christ, quand il voyait le groupe devenir trop nombreux, il est message. Nous voulons marcher avec des gens qui croient. Mais ici, c'est amener le groupe à s'améliorer. Toute sa matière, n'a pas tongi tongo balubaga. Église a voulu dire qu'on a gâté. Si qu'à Bangouana, qu'à ça avec les Bawana. C'est l'église du Dieu vivant. Qui passe par des épreuves. Ça doit se passer comme ça. Hein? Ok. Nous avons présenté les choses de telle manière que le nom des disciples s'améluise. Et que cela oblige même certains à nous quitter. Et d'autres à réfléchir à ces choses. Mais ceci n'est pas fait sans intention. Quelqu'un dirait peut-être. Voulez-vous dire que Dieu ferait de telles choses à des fins? Pour que certains s'en certainement il l'a fait. Et il le fait encore. Un jour, quand Jésus avait autour de lui des milliers de personnes, il a dit, à moins que vous ne mangez la chair du Fils, et que vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. À votre avis, quelle serait la réaction d'un médecin, d'une infirmière, ou de toute personne intellectuelle qui entendrait un pareil exposé, donné par un homme revêtu d'un aussi puissant ministère? Médecin, infirmier, intellectuel, déjà non se battant qui fait le kouta na le kouta. Ce n'est pas le diplôme ou l'intellectualisme. Il faut la révélation de Dieu. Que le Saint-Esprit se révèle à vous. La révélation de ses paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux hommes. C'est vrai. Mais quoi? Manger de la chair humaine? Mais c'est du cannibalisme. Et boire le sang humain? C'est un vampire. Un autre terme. Il veut que nous devenions des cannibales et des vampires. Alors, l'auditoire s'éloignerait de nous. Voilà ce qui était arrivé. Mes chers amis, nous sommes la continuation du groupe de Jésus-Christ. Nous sommes la continuation de l'œuvre que Jésus-Christ a commencée. Et nous sommes la continuation de son ministère. Êtes-vous là? Oui. Pour le salut des âmes, principalement des croyants. Écoutez, ici dans la Bible, Dieu a parlé à Jérémie. Vous le savez. Jérémie chapitre 1 verset 5. Il dit ceci. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Êtes-vous là? La fonction est claire, non? Ce que Dieu dit de lui est clair. Allons-y maintenant. Plus tard, dans Jérémie 17. Qu'est-ce que Jérémie dit de lui-même? Verset 15 et 16. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré les jours du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de ma lèvre est présent devant toi. Où est-ce que Dieu avait-il ordonné à Jérémie d'être pasteur? Avez-vous un passage? Où est-ce que Dieu avait établi Jérémie pasteur? C'est ici que le discernement doit vous venir en aide. Les mêmes écritures, mais l'esprit de discernement vous fera comprendre ce que c'est exactement comme il était dit dans Esaïe. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il était homme de douleur avec la souffrance. Qui eut crié parmi les gens de son époque, il était retranché de la terre des vivants pour le salut de ses frères. L'unique éthiopien qui lisait, on ne lui a demandé par Philippe, comprends juste que tu lis. Mais comment puis-je comprendre la personne? Alors il a commencé par là, il lui a demandé, est-ce que le prophète, il parlait de lui-même, ou il parlait de quelqu'un d'autre? Et il était clair dans ce passage-là, c'était les écrits du prophète Isaïe. Il ne parlait pas d'Isaïe lui-même, mais il parlait de quelqu'un d'autre. Voyez ça? Et c'était la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici encore dans Jérémie 17. Jérémie dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Mais Dieu lui a là établi prophète. De qui parle Jérémie? Qui est celui-là qui pour obéir à Dieu n'a pas refusé d'être pasteur? Êtes-vous là? Dieu veut qu'il soit pasteur, Zambra, mais lui ne veut pas qu'il soit pasteur. Mais s'il est devenu pasteur, c'est pour obéir à Dieu. Vous allez pour la potence ensemble. Amen. Discernement. Êtes-vous là? Vous allez voir là. Discernement. Vous lisez le même passage. Le discernement pas de soi. Pour comprendre ce que Dieu veut vous faire comprendre. Tant de fois les dire ouvertement. Il va accomplir des promesses de choses. Génération. Vous n'allez pas regarder dans le vide. Et Dieu soit notre secours. Un jour, il a envoyé Amos. Il a donné la commission. Va prophétiser à mon peuple d'Israël. Ça convient de demander à moi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, je ne suis ni prophète, ni fils d'un prophète. Il voile la chose. Votre discernement vous dira, Amos était qui malgré ce que lui a dit de lui-même. Maintenant, Jérémie, dis-moi pour ton pays, je n'ai pas réfléchi à l'escapasteur. Et pourtant, l'homme dit pour lui, je n'ai pas réfléchi à l'escapasteur. Ok. Là. De qui parle-t-il? Que Dieu vous donne les dix. De quoi s'agit-il là-bas? Est-ce que le ministère pastoral s'est confronté avec le ministère prophétique? Les deux ministères distincts. Les deux fonctions différentes. Êtes-vous là? Et c'est lui notre Dieu qui est notre sauveur, notre maître, notre guérisseur. Ici même là au verset 14, Jérémie 17 verset 14. Oh mes amis, la parole est délicieuse. Il faut rester dans la méditation, prier, implorer la miséricorde de la grâce de Dieu. Aide-moi à comprendre. Jérémie 17:14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Votre gloire, vous allez la tirer de qui? Dieu seul qui vibre. Laisse que chacun de nous comprenne cette leçon. Qu'il demande la sagesse à Dieu. Qu'il ait l'esprit de discernement. Pour chaque fois savoir si un esprit en présence est de Dieu. Non. Mais qu'ensuite, il puisse discerner l'esprit de chaque chose. Toutes choses qu'on voit là. Il y a un esprit d'ailleurs. Rien ne fait au hasard. Oh, vous voulez me soupçonner? On ne vous soupçonne pas. L'esprit de chaque chose doit être détecté. Êtes-vous là? Que ce soit des prédicateurs, même de l'assemblée, même des groupes de croyants, même de l'association des prédicateurs, qui que vous soyez, nous devons discerner tout esprit. C'est un autre Dieu et nous verrons prochainement qu'à un moment donné, même Jean, sur l'île de Patmos, il a manqué de discerner l'esprit prophétique. Mais Dieu est venu en aide. Venez mercredi. Cette parole, ce sont les affaires de notre personne. Ce n'est pas parce qu'on est disciple qu'on est parfait. On peut avoir des manquements. Dieu seul est Elohim. Il est tout suffisant. Nous venons tous auprès de lui. Il comble nos insuffisances. Il nous ajoute ce qui nous manque. Car en lui il y a tout. Tout le monde peut être servi sans que cela n'appauvrisse Dieu. Il est une source intarissable de bonnes choses et de vraies bénédictions. As-tu aimé l'évangile pour que tu aimes la vérité? Oh mais je ne vous sens pas tous là. Est-ce que tu aimes la vérité précieusement? As-tu l'esprit de Dieu? Écoutez maintenant. As-tu l'esprit de Dieu? L'esprit qui parle de toi. Est-il de Dieu ou non? Mais éprouvez-vous vous-même, c'est aussi la Bible. Examinez-vous vous-même. Voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Avant d'aller prétendre éprouver les autres. Vérifiez la vérité. Si tout est ok, l'esprit de toutes choses est approuvé. L'esprit qui est dans chaque homme est approuvé. Dans chaque femme est approuvé. ko banga elongo ya mosute nzambe na pesi yo motindo est-ce pour là que Dieu vous bénisse tenons nous debout pour la prière dans l'amour de Dieu. C'est vrai. Quel ami fidèle et tendre, cantique Hosanna numéro 128. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillants et nos chutes, nos chutes de chaque jour. Bye. nous avons changé ces cris, toujours prêts, toujours prêts à nous apprendre, à vaincre en sautant sur lui. Chacun sincèrement, Dieu écoute nos prières. Il est notre sauveur, notre médecin, notre guérisseur. Il est notre gloire. Seul des hommes est une vanité. Que Dieu t'honore. Que Dieu te glorifie. Laisse que Dieu te lève. En son temps convenable. Cherche la sagesse. Sois humble et doux comme Jésus-Christ. Lui-même te conduira merveilleusement. Prions chacun. Super. Mon Dieu. L'amour de Dieu est bien loin si grand que langue aux plumes ne peuvent les dire. Oh, il va plus loin et la plus haute étoile il atteint le plus bas enfer. Oh, coupable, chantons. Je donne son fils pour vaincre, il réconcilia à main. Madame son, oh l'amour de Dieu, L'amour rédempteur, l'amour du sauveur, qui pardonne tout, qui supporte tout, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui excuse tout, qui croit tout. Tout ce que Dieu dit, il croit tout. Toute jamais d'une vérité de Dieu. Il croit tout ce que Dieu dit. Que Dieu soit béni pour toujours. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette belle matinée que tu as placée sur notre chemin, sur la terre des vivants. Grâce à ce souffle de vie, la force de la santé que tu as donné à chacun, nous pouvons tenir devant toi, t'appeler sur la scène, écouter ta voix, dire amen, nous réjouir ensemble, te glorifier, te louer, pour tes bienfaits et non là. Sois adoré éternellement, Seigneur. Et prends chacun entre tes mains. Taille les signaux là. Perfectionne-nous toi-même. Mais à nous tous qui nous manquent. Donne-nous la sagesse. L'esprit de discernement. Pour discerner, éprouver l'esprit de toutes choses. Et l'esprit de tout. C'est un ordre que tu as donné. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Nous devons le faire de manière complète pour obtenir l'approbation de Dieu. Secours mon frère, secours ma soeur, nous t'avons prié de guérir les malades, nous croyons que tu l'as fait, et nous te remercions pour cela, nous te glorifions pour ce bienfait, tu as sauvé les pécheurs, tu as touché un cœur qui péchait, qu'il a eu honte de lui-même, et revienne à Dieu, appelant au secours, invoque à miséricorde, appelant Jésus sur la terre, exauce nos seigneurs, secours chaque âme en détresse. Relève celle qui s'affaiblit. Donne la force nouvelle pour qu'ensemble nous soyons forts. Au nom de Jésus-Christ, de loin et de près, bénis tous les croyants et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué.